Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au 107. Nous sommes une heure sur Radio Guémozo pour l'émission La parole est à vous. Alors, c'est une histoire à épisode, n'est-ce pas? Bonsoir, Jean Tisserin. Bonsoir, Michel. À savoir quand même que hier se tenait une conférence, enfin une réunion publique plutôt, citoyenne, à Remiremont, concernant bien sûr l'hôpital. Puisque depuis quelque temps, la situation a évolué très rapidement, à savoir que l'ARS, par l'intermédiaire du directeur des deux hôpitaux, c'est-à-dire un super directeur qui est à la fois à Épinal et à Remiremont, donc prévoit un plan qui, bien sûr, déplaît fortement à l'association ADEMAT-H, hein, Défense de la maternité de l'hôpital de Remiremont, puisque ce plan, en quelque sorte, va engendrer, si bien sûr il arrive à son terme, ce que l'on ne souhaite pas, va engendrer quand même de grandes difficultés par rapport à la permanence des soins sur Remiremont. Quand on parle de permanence des soins, ça veut dire garder un hôpital qui assure une permanence des soins 24 heures sur 24, 365 jours par an. Alors, bien sûr, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, parce que Jean Tisserin est beaucoup, docteur Tisserin est bien plus qualifié que moi pour en parler. D'ailleurs, c'est lui qui, hier soir, présentait ce plan, avec, bien sûr, les remarques d'ADEMAT concernant ce qui pouvait être nocif pour l'hôpital de Remiremont. Voilà, avant ça, je tiens à faire un petit résumé d'histoire, parce qu'après tout, jeudi soir, il y aura une manifestation, bien entendu, qui est organisée par ADEMAT. Et puis, du côté de la municipalité de Remiremont, de M. Jean Aigret, donc, inauguration de l'hôpital de Remiremont, qui s'appellera Béatrix de Lorraine. Alors, quelques mots simplement pour retracer l'histoire de cet hôpital. Alors, paraît-il, ce serait le 25 août 1721, ça nous ramène bien loin en arrière, que le chapitre de Remiremont, par la personne de Béatrix de Lorraine, Lillebonne, ça doit être ça, décide donc de transférer l'hôpital de l'enceinte de l'abbaye, parce qu'il existait quand même un hôpital dans l'abbaye, bien sûr, à son emplacement actuel. Les travaux durèrent 3 ans. Ça nous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Oui. Et furent terminés en 1724. Le nouvel hôpital prit le nom de Sainte-Béatrix. Elle comprenait 2 salles de 6 lits pour les malades, 2 de 10 pour les passants et pèlerins. Alors, je ne sais pas si tout ça était mélangé, mais bon, c'était le même hôpital. Et 2 chambres pour les orphelins, puis également une chapelle, bien sûr, une pharmacie, et oui, ça va avec l'hôpital, hein, ces temps-là, un réfectoire, un logement pour le directeur, une boulangerie, un lavoir, une écurie, des cours jardin et basse-cour. Et basse-cour, bien sûr, parce qu'il fallait faire un élevage pour alimenter tout ce beau monde. Le chapitre de Remiremont, comme chacun sait ou ne sait pas, fut dissous le 7/12/1790, le clergé ayant refusé de prêter serment à la République. Enfin, la constituante, c'est encore la constituante, c'était 92, je ne sais pas trop. Hein. Mais l'hôpital a continué à fonctionner quand même. C'est grâce à François. Avec des modalités différentes. C'est grâce à François qui assure la technique ce soir. Et que alors, je vais faire un résumé vraiment très succinct des débuts de l'hôpital. J'ai tiré ça d'une brochure qui a été éditée par l'Amicale du personnel de l'hôpital. Hein, et il y a eu au moins 12 numéros hein, qu'on peut consulter aux archives municipales de Remiremont. Et puis je suppose que la Société d'Histoire de Remiremont doit posséder aussi pas mal de documents sur le sujet. Alors en allant consulter les uns et les autres, on devra arriver à faire une ou plusieurs émissions sur. Encore que, il apparaît que les documents qui viennent après parlent surtout de la gestion l'hôpital. C'est-à-dire que l'hôpital a acheté un bout de terrain, a échangé un bout de jardin avec un autre propriétaire ou des choses comme ça. Vous voyez, donc c'est de la gestion. Hein. Oui. Le plus intéressant, c'était que l'opération démarre, qu'on construise l'hôpital. Voilà. Après, bah, bon, voilà. Ça... Et puis arrivé l'ère Poncet, on va l'appeler comme ça, je crois. 1974, non, si j'ai bien retenu la date, c'est ça, où véritablement l'ancien hôpital qui était particulièrement vétuste, hein, avec des salles communes encore, est rasé, et puis un édifice tout neuf sort de terre. Du parquet dans les couloirs, c'était des planches de 20 cm de large, avec une distance entre les planches de environ 1 cm, et ce centimètre de vide était rempli à ras-bord, de matière noire qu'on pouvait racler. C'était particulièrement vétuste, et donc il était nécessaire de construire un nouvel établissement. Et donc la municipalité de l'époque, avec bien sûr le concours des instances, hein, le ministère de la Santé, l'assurance maladie, donc a fait construire ce nouvel hôpital. Alors, je ne sais pas combien de temps ont duré les travaux. Hein, ce qu'il y a, c'est que c'est sorti de terre. Un immeuble tout neuf, et puis peu à peu, cet immeuble s'est équipé, cet hôpital s'est équipé. Hein. Il y a eu, bon, tout d'abord, des plateaux techniques qui étaient de l'époque, quoi, qui étaient perfectionnés récemment. C'était quand que la chirurgie a été remise en état, le plateau technique de chirurgie, ça fait 4 ans. Je pense que c'est... Oui, le nouveau bloc, il a 5 ans, je crois. 5 ans aujourd'hui. Oui. C'est un nouveau bloc très, très performant et des salles extrêmement fonctionnelles. C'est absolument les dernières normes, tout ce qu'il y a de plus moderne. C'est incroyable qu'au bout de 5 ans, on ferme quelque chose. On ne ferme pas. Pour l'instant, on se bat et il n'est pas question de le fermer. On ne veut pas le fermer. On veut le sous-utiliser, ce qui est différent. Il y a des projets de fermer plutôt les services de chirurgie, de ne conserver que de la chirurgie ambulatoire à Remiremont. Et ce serait de la chirurgie où on entre le matin, où on parle l'après-midi ou le soir, sans hospitalisation, sans lit. Hein. Et ça, c'est dommage, quoi, parce qu'on ne pourrait plus faire de chirurgie importante. On ne ferait plus que de la petite chirurgie avec sortie rapide le même jour. Voilà. C'est ce que l'ARS a rédigé dans son projet. Et l'ARS, elle n'a pas prévu une méthode des cas, c'est-à-dire de garder en chirurgie ambulatoire des personnes dont les cas ne sont pas graves et par rapport à d'autres dont c'est plus grave. Non, c'est plus grave, les garder quand même. Alors, on ne prend en chirurgie ambulatoire que des cas relativement simples qui permettent la sortie le jour même. Oui, voilà. Mais il arrive qu'il y ait des complications, qu'il y ait des choses un petit peu imprévues et qu'on soit obligé de garder les patients. Et s'il n'y a plus de lit d'hospitalisation, on sera certainement très gêné. On va les évacuer sur Épinal ou ailleurs. Ou les envoyer ailleurs. Il y a des gens qui sortent chez eux, puis qui font une petite complication, ils sont obligés de revenir à l'hôpital. C'est exceptionnel, c'est rare. Et pour être admissible à la chirurgie ambulatoire, il faut ne pas être seul chez soi. Il faut avoir quelqu'un qui vous surveille un petit peu à la maison la première nuit. À ce propos-là, quand même, on notera qu'en chirurgie ambulatoire, et c'était pourtant Remiremont, des personnes sont rentrées à domicile sans que pour autant il y ait quelqu'un au domicile. Hein, c'est des personnes seules. Mais enfin, bon, paraît-il que c'est l'exception, que c'était mal. Il y a peut-être un manque de lit. Non, mais je pense que c'est pas bien et ça devrait pas se faire. Bien sûr. Ça devrait pas se faire. Il faut qu'il y ait une surveillance. On ne laisse pas un opéré du jour seul la nuit suivante. Bah non. Pourrais-tu nous faire un compte-rendu de ce qui s'est passé hier soir? Parce que finalement, l'assistante était particulièrement nombreuse. Voilà, nous sommes réunis donc salle Zog sur la place de la mairie pour mettre un petit peu au courant la population et les soignants de l'hôpital de ce projet. Ce projet étant relativement confidentiel, et nous avons réussi à nous le procurer, mais il n'était pas public. Donc nous l'avons rendu public en l'expliquant, en le commentant, parce que je crois que c'est la loi du silence, c'est pas bien. Je crois que toute la population doit savoir ce que va devenir son hôpital, et à plus forte raison, les soignants doivent savoir un petit peu quels sont les projets qui les concernent. Bah, oui. C'est la moindre des choses. Je pense qu'en matière de démocratie sanitaire, c'est le béaba. Mais je toute pense... la population est concernée, ça représente quand même à peu près 100 000 habitants. 100 000 habitants des trois vallées vosgiennes principales de la montagne, vosgiennes là, et, des Vosges, et puis de, les Vosges saunoises. Jusque Luxeuil, Lure, Corat-Villers, Évillers, Saint-Loup-sur-Semouse, Servance, il y a beaucoup de petits villages isolés. Et l'hôpital le plus proche est l'hôpital de Remiremont. Hein. Voilà, et on a développé un petit peu, c'était sous forme de diaporama, que l'ARS avait présenté ce projet au comité de pilotage, c'est-à-dire au directeur d'hôpitaux, au président des commissions médicales d'établissement, et aux trois hommes politiques locaux, le maire de Remiremont, le député de la circonscription et le président du conseil départemental des Vosges. Et dans ce projet, il y a beaucoup de choses très inquiétantes, en particulier, donc je l'ai dit, il est plus ou moins prévu, on ne sait pas encore si ce projet sera totalement mis en œuvre, mais s'il est totalement mis en œuvre, on risque de voir donc l'hospitalisation de chirurgie disparaître, avec disparition de la garde en chirurgie de nuit et de week-end. Il n'y aurait plus que des chirurgiens qui feraient des petites interventions sans hospitalisation, deux jours, et à 18h tout le monde s'en va. Le service est fermé. C'est pas tout à fait l'hôpital tel qu'on le connaît actuellement. Les mêmes projets sont prévus dans les services de médecine. On ne laisserait... Je voudrais poser une petite question par rapport à cette chirurgie ambulatoire. Ça représente quel pourcentage finalement de toute la chirurgie actuellement, qui est pratiquée actuellement à Remiremont? À Remiremont, je crois que c'est 35 ou 37% de la chirurgie. Pas davantage. Pas davantage, non. Alors, ça dépend aussi de la chirurgie qu'on fait. Il y a des chirurgiens orthopédiques qui font à Remiremont, le docteur Chamas pour ne pas le citer, qui fait des fois des interventions chirurgicales assez lourdes qui sont peu compatibles avec une sortie le jour même. Avoir une prothèse de genou, une prothèse de hanche, c'est difficile de sortir. Je sais que ça se fait en région parisienne, mais c'est pas très bien. C'est un petit peu tiré par les cheveux, je crois que... le malade a besoin d'antalgiques, il a besoin de morphinique, de médicaments puissants pour soulager sa douleur après ce type d'intervention. Et ces morphiniques nécessitent à forte dose une surveillance hospitalière parce qu'ils se font souvent en seringue électrique, en perfusion. Quoi. Et on ne laisse pas sortir d'un patient sous morphinique à dose relativement élevée. Comment ça se passe alors pour un patient qui va sortir de l'hôpital? Quelle est sa prise en charge à domicile? Alors, il part avec des ordonnances pour aller à la pharmacie. Il part avec un courrier qui informe son médecin traitant de ce qu'il a eu exactement et des traitements qu'on lui donne. Et de la suite qui est envisagée pour son traitement et pour sa surveillance. Il y a des soins infirmiers à domicile qui prennent le relais. Il y a une ordonnance pour des soins infirmiers à domicile, si c'est nécessaire, de faire un pansement tous les jours, par exemple. Sinon, il est confié à son médecin traitant ou à une infirmière à domicile. Et on lui fait également... Et la coordination se fait bien ? Oui, normalement, ça se fait bien. Et le lendemain de l'intervention, les infirmières du service de chirurgie ambulatoire appellent le patient pour prendre des nouvelles, pour savoir comment s'est passée la nuit, si tout va bien. Il y a un suivi important et c'est une charge importante pour un service de conditionner le patient pour le faire opérer le jour même, pour ensuite donc préparer le champ opératoire, faire son dossier, l'emmener au bloc, à la sortie du bloc, assurer son réveil, surveiller son réveil, lui donner à manger, et puis lui prescrire les ordonnances de sortie pour son médecin, les infirmières et la pharmacie. C'est pour ça qu'on dit que en fermant des lits, on peut réduire le personnel. C'est ce que disent les gens de l'ARS et les directeurs d'hôpitaux. En fait, le travail est beaucoup plus concentré, beaucoup plus intense, donc le personnel est certainement soumis à une charge de travail beaucoup plus dure. Et donc c'est pas parce qu'il y a moins de lits ou presque plus de lits qu'il faudrait ne plus avoir de personnel hospitalier. Et c'est pourtant ce que pensent les administratifs de la santé hospitalière. Mais bien sûr, ils ne sont pas à la place du personnel qui est obligé de produire, en quelque sorte, hein, parce que ça devient du véritable travail à la chaîne. Mais justement, moi, j'ai une question par rapport au travail à la chaîne, comme tu dis, Michel. Est-ce que vous avez des opérations radar, c'est-à-dire des opérations, enfin, je ne sais pas, j'inverse le mot comme ça. Non, mais sérieusement, est-ce que vous avez des opérations où, j'emploierai pas le mot de routine, mais où tout coule tout seul, enfin... C'est des choses que vous savez faire, que vous faites souvent, et d'autres choses auxquelles vous êtes moins préparé. Non. Il y a peu de place à l'initiative en chirurgie. Oui. Les interventions sont extrêmement réglées par des protocoles, un déroulement de séquences opératoires qui sont tout à fait prévues, organisées, codifiées et apprises, et bien apprises. Oui. Il y a peu de place pour l'initiative, en fait. Oui. Outre le chirurgien, dans un bloc opératoire... Il y a un aide opératoire qui aide, qui est habillé en stérile et qui est autour du malade avec le chirurgien. Et puis, il y a au moins une ou deux infirmières qui sont chargées d'amener les fils, d'apporter du matériel, d'apporter tout ce qui est nécessaire à l'intervention chirurgicale. Et qui ne sont pas forcément habillés stérilement, hein, alors que l'opérateur et l'aide sont habillés stérilement. Et puis, il y a un médecin anesthésiste et un infirmier anesthésiste. Hein, voilà. Il y a quand même toute une équipe. Hein, Et ça, c'est valable pour tout type d'opération, quel qu'il soit. Ça peut être réduit un petit peu sur des interventions beaucoup plus simples. Hein, il y a peut-être un peu moins de personnel. Mais il y a toujours un opérateur et un aide. Ça, c'est... En cas de défaillance, effectivement, pour sécuriser au maximum aussi bien le chirurgien que le patient. Le chirurgien n'a que deux mains et quelquefois il faut écarter des organes pour bien voir le champ opératoire. Et c'est le rôle de l'aide opératoire de faciliter l'intervention chirurgicale. Et lui-même doit bien connaître la séquence opératoire. Donc, il y a 30% de... Oui. De chirurgie ambulatoire 35 à peu près. 35%. Et le reste irait où? Alors le reste, il serait prévu que cette chirurgie aille sur le site de chirurgie qui disposerait des lits de chirurgie conventionnels, c'est-à-dire qu'il y aurait des lits de chirurgie où on reste la nuit et le week-end. Et ce serait prévu. Ce serait plutôt Épinal. Voilà, ce serait. Ah, d'accord. Donc là véritablement, c'est un transfert. Et nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord parce qu'il y a à Remiremont des équipes de chirurgiens complètes, bien formées, qui pratiquent des interventions relativement lourdes. Ce serait dommage de les envoyer travailler à Épinal alors qu'ils font ça très bien à Remiremont. Donc on éloignerait le chirurgien de Remiremont et les patients seraient eux-mêmes éloignés. De Remiremont. Pourquoi les faire tous à Épinal, ce que l'on pourrait faire tout à fait sur place et ce qu'il se fait actuellement, si ce n'est pour des raisons purement financières. Bien sûr, l'argument aussi c'est le manque de médecins. Qu'en est-il? Écoutez, c'est pas le cas à Remiremont aujourd'hui. Non, à Remiremont ça se passe bien. C'est un petit peu tendu en ce qui concerne les médecins anesthésistes, je crois. Mais sinon, dans les autres disciplines... C'est à peu près partout pareil, d'ailleurs. Oui, l'anesthésiste est un médecin rare. Voilà, oui. Parce que c'est beaucoup de responsabilités. Oui. Il faut provoquer un sommeil avec une analgésie complète chez le patient et puis il faut assurer le voyage-retour. Hein. C'est une grosse responsabilité, quoi. Et on ne fait pas de chirurgie sans anesthésiste. C'est indispensable. Bah oui. C'est complémentaire. Peut-être à l'ouverture de l'hôpital Sainte-Béatrix. À ce temps-là, je ne pense pas qu'il y avait... Il n'y avait pas d'anesthésie. Il y avait de l'anesthésie. Date de... Il y avait la Mirabelle à l'époque, peut-être. Voilà, l'alcool. Mais je crois que les premières anesthésies, l'éther, c'est 19e siècle, c'est l'éther, oui. Ouais. Le masque à l'éther, oui. Masque à l'éther. Oui. Et puis le chloroforme est arrivé. Chloroforme, masque d'ombre d'âne avec le chloroforme, oui. C'est 19e siècle. Voilà, 1870-80 à peu près, je crois. Donc au niveau de la chirurgie, puisqu'on parle de la chirurgie, c'est une perte très importante qui se prépare pour l'hôpital de Remiremont. Voilà, c'est ce qui si est le plan de l'ARS. Si le plan de l'ARS aboutit et se réalise. Mais nous y sommes opposés et je pense que la population commence à prendre conscience de ces faits et de ces projets. Le personnel soignant maintenant est bien au courant et donc nous invitons la population et les soignants à nous rejoindre au Palais des Congrès derrière l'hôpital à 18h le jeudi 12 juillet pour une manifestation où nous traverserons la ville pour rejoindre l'hôpital de Remiremont que nous voulons défendre. C'est l'hôpital de tous. Il faut le préserver. Des vallées de 100 000 habitants, sur les trois vallées, etc. Et ce serait tout à fait dommage d'être obligé d'aller beaucoup plus loin pour opérer des choses simples, des amygdales, une appendicite, des hernies, des choses qui surtout se font là, de manière quotidienne et avec une très bonne qualité à Remiremont. Ce serait complètement dommage, uniquement pour des raisons financières. Voilà, c'est... Pourquoi aller chercher ailleurs ce qu'on... Des raisons financières et peut-être aussi qu'Épinal veut un peu la couverture. Des raisons politiques. Oui. Je pense que un maire d'Épinal qui veut tirer un petit peu la couverture vers lui. Mais cet hôpital d'Épinal n'a pas une grosse activité chirurgicale en particulier puisqu'ils ne font que 15% de la chirurgie de leur secteur sanitaire. Voilà. Donc ils ont besoin de la chirurgie Romary-Montaigne pour... On va s'accorder une pause musicale, on va en reparler. Voilà, nous sommes toujours en compagnie du docteur Tisserand et nous parlons bien sûr de l'hôpital de Remiremont et de cette manifestation qui se prépare donc jeudi à partir de 18h, jeudi 12, en sachant que hier s'est tenue une réunion publique qui était très suivi, hein, à peu près 250-300 personnes. Hein, qui a dépassé, d'ailleurs, le nombre de participants a dépassé les espérances des organisateurs. Et on voudrait quand même, bon, on a parlé longuement de la chirurgie, parce que c'est quand même un point important de savoir que demain, si le plan d'ARS est appliqué, il y aurait plus que de la chirurgie ambulatoire qui représente aujourd'hui que 35% du trafic du bloc opératoire sur... permet de dire trafic, hein, c'est un mot, mais enfin, ils utilisent à peu près les mêmes mots, hein, ils utilisent même le mot client maintenant. Patient. Au lieu de patient, bon, etc. Donc, il y a quand même une volonté de regarder que la règle à calcul et non plus du tout l'état sanitaire de la population, les structures d'accueil, etc., l'offre de soins, les possibilités qu'auraient les gens de nos vallées de pouvoir se soigner normalement. Je voulais juste dire une petite chose. Quel courage a le personnel de travailler comme ça dans ces conditions en ne sachant pas quel est leur avenir. D'autant plus que des pressions, paraît-il, sur eux pour une mutation sur Épinal. Certains sont mutés de service à service, d'autres, on les incite fortement à aller à Épinal. Et tous, on leur demande de se taire sur ce qui se passe exactement à l'hôpital. Il y a une espèce de loi du silence qui n'est pas très sympathique. Alors, quel autre... On a beaucoup parlé de la chirurgie. Quelles autres modifications sont prévues dans ce plan de l'ARS et du directeur? Alors, dans les services médicaux, on peut parler des services de médecine, où ce serait pareil, il n'y aurait plus de services de médecine spécialisés, mais des services de médecine générale à orientation gériatrique, pneumologique ou cardiologique, mais ce ne serait plus de véritables services de spécialité. Sans garde nuit, sans garde week-end, donc pas d'entrée la nuit, pas d'entrée le week-end. Donc ça ressemble un petit peu à un EHPAD amélioré, quoi. Voilà, c'est ce qui est prévu. C'est un peu ce qui se pratique aujourd'hui à Gérard, mais oui, un petit peu, voilà, tout à fait. Et ça, c'est quand même... c'est créer une hiérarchie, parce que la médecine de spécialité serait envoyée sur Épinal, et c'est créer une hiérarchie entre ces deux hôpitaux qui n'existent pas actuellement. Hein, ces deux hôpitaux ont le statut d'hôpital général, et on ferait de l'un un hôpital dit de proximité à Remiremont, qui serait un espèce d'EHPAD amélioré. EHPAD, c'est-à-dire établissement personnes âgées, voilà, c'est ça, dépendantes. C'est un petit peu, c'est transformer ces hôpitaux, cet hôpital, comme l'est celui de Gérardmer, voilà. Pour les services. Avec un peu de convalescence, voilà, de suivi des soins. C'est une régression importante de la qualité. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec la cardiologie déjà. C'est la cardiologie, il n'y a plus de cardiologues il n'y a plus de plein temps. Il y a des cardiologues, le chef de service vient 2 demi-journées par semaine, le docteur Thiel consulte 3 demi-journées par semaine, et il n'y a plus de cardiologues la nuit ni le week-end. Ça s'est fait sans concertation. Et en catimini le 1er juin. Nous l'avons appris, nous, une semaine avant, et nous l'avons divulgué une semaine avant. Mais même le personnel soignant n'était pas au courant. C'est un massacre. Alors que c'était dans les cartons, c'était connu depuis le 24 avril par les administratifs et les politiques locaux au niveau du COPIL. Donc je regrette beaucoup cette loi du silence, c'est embêtant. Embêtant parce que ça ne permet pas à la population, aux soignants, de réagir. Oui, mais si on se met à la place de l'administration, quand on fait des choses pas très sympathiques, on n'a pas trop envie de le divulguer, on a envie de se cacher, on n'est pas très fier de ce qu'on fait. Voilà, c'est mon sentiment. À ce propos, comment faut-il apprécier la démission du docteur Chevalier, c'est ça? Oui. Madame Chevalier était présidente de la commission médicale d'établissement, c'est-à-dire le groupement des médecins. On forme une instance qui peut donner son avis, qui n'est pas forcément... ils ne prennent pas de décision, mais ils peuvent donner leur avis sur des orientations de l'hôpital. Ces avis peuvent être techniques. Un avis technique, médicaux, mais qui peuvent être suivis ou non suivis. Mais cette commission médicale d'établissement a démissionné, puisque aucun de ses conseils et de ce qu'elle avait préconisé n'a été retenu. Ces gens-là, ces médecins-là ont passé de longues heures en réunion, éventuellement même avec leurs confrères d'Épinal, pour discuter un petit peu de l'avenir des deux hôpitaux. Et puis l'administration s'est un petit peu assise totalement sur ce qu'ils avaient décidé de proposer. Et je crois même que ce qui a été proposé était contraire totalement à ce que eux avaient un petit peu décidé, prévu. Oui. Et donc ça gêne un petit peu le fonctionnement des hôpitaux, de l'hôpital de Remiremont, mais bon, c'est un espèce de divorce entre l'administration et les médecins, voilà. Les médecins ne sont pas d'accord avec ce que propose l'administration. Et la population. Oui, bien sûr. Oui. Qui est directement concernée, elle aussi, même si elle ne s'en rend pas vraiment compte. Elle subit et elle subira de plus en plus de déplacements, et on cite le cas d'une... une parturiente qui serait dirigée sur Épinal parce qu'il n'y aurait pas suffisamment de suivi cardiologique. Faute de cardiologue. Mais ça, ils adoptent un petit peu quand même la politique de diviser pour mieux régner. Oui, tout à fait. Parce que si les médecins à Remiremont viennent à discuter et à peut-être trouver des accords et qu'ils s'assoient derrière dessus. Sachant que la division est faite. Oui. Ok. Donc la médecine aussi a impacté. La médecine serait lourdement impactée aussi. Lourdement impactée, n'ayant plus de permanence des soins. Ouais. Pareil, 24 heures sur 24, le week-end, les nuits, le week-end, il n'y aurait plus de médecin de garde. Oui. Et le directeur se. Alors, il y a quand même le personnel hospitalier, quoi. Oui. Infirmier. Oui, mais il n'y a pas de médecin joignable. Pas de médecin joignable. Ah non, pas de médecin joignable. C'est du vrai danger. Même pas d'astreinte, pas de garde, pas d'astreinte. Le directeur de l'hôpital a dit que c'était ce qui coûtait cher à l'hôpital, c'était les astreintes. Donc il veut supprimer des lignes de garde, des lignes d'astreintes. C'est ce qu'on appelle supprimer la permanence des soins. C'est un hôpital un petit peu, qui deviendrait un hôpital discontinu, qui fonctionne la journée, mais plus la nuit. Ça n'est pas acceptable, puisque actuellement, dans tous les services, il y a des médecins joignables qui peuvent arriver en moins d'un quart d'heure si on les appelle, s'il y a une urgence. Puis c'est un refuge, parce que on sait que la médecine libérale a besoin. Bien sûr, oui. Les médecins du secteur ont besoin d'hôpital. Et c'est un très mauvais signal lancé à des médecins qui éventuellement voudraient s'installer en hospitalier, parce que c'est pas très intéressant pour un médecin de venir travailler dans un hôpital où on ne travaille que le jour, où il n'y a pas d'astreinte ni de garde. On ne fait pas la totalité du travail, de la prise en charge du patient, et ce n'est pas très intéressant. Et c'est aussi déplorable pour des médecins qui pourraient s'installer en ville et qui ne vont peut-être pas le faire parce qu'ils n'ont pas d'hôpital de recours. Si vous voulez. Ils sont un petit peu seuls. Donc c'est un mauvais signal envoyé au futur corps médical qui pourrait venir s'installer à Remiremont. Donc ça participe à la désertification, ça renforce cette désertification. Pas seulement médicale, bien sûr, parce que qui voudra s'installer demain dans des pays où il faudra faire 70 km pour recevoir des soins appropriés, puisque c'est un peu le cas sur les Hauts-de-Bussan, alors. Sachant que les patients seraient, au lieu d'une demi-heure d'un lieu d'hospitalisation, ils seraient à une heure. On rajoute une demi-heure. Rajoute une demi-heure de plus, en sachant bien que, bien sûr, les calculs sont faits sur une route sèche par beau temps et qu'on ne tient pas compte de l'hiver ni des embouteillages. Sans embouteillage des sorties de stations de sport d'hiver. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est que l'ARS, l'administration hospitalière, veut supprimer des postes de personnel non soignant. Comme la cuisine de l'hôpital de Remiremont serait centralisée sur Épinal. Et ce serait 23 emplois qui pourraient être affectés par ça. De même qu'ils partent d'externaliser le ménage des couloirs hors chambre de malade. Et sur les deux... pas dangereux quand même pour l'hygiène, parce qu'il y a quand même des... Pour l'hygiène, je pense que... Des méthodes opératoires pour garantir quand même qu'il n'y ait pas d'infection nosocomiale, par exemple. Oui, mais je pense qu'on peut certainement apprendre à des entreprises privées à le faire, mais c'est dommage de concéder au privé ce qui est fait actuellement par des agents hospitaliers publics. Parce que qui reviendrait plus cher par le privé. Non seulement il faut payer ces gens-là, mais il faudra rémunérer aussi cette boîte privée, ces entreprises privées. Donc je pense que c'est... Je ne suis pas sûr que ce soit un gain... Il faudra donner un petit peu de monnaie aux actionnaires. Oui, je ne suis pas sûr que ce soit un gain économique. Mais ce serait, rien que pour ce ménage, ce serait une perte de 35 emplois sur les deux hôpitaux. Ça risque d'être quand même perturbant pour les patients qui vont voir défiler des personnes qui sont complètement étrangères au service, etc. Oui. J'ai connu ça dans un hôpital. C'était une entreprise qui venait de l'extérieur. Et c'est vrai qu'il n'y avait aucun contact. Ce n'était pas un hôpital général. Hein. Mais il n'y avait aucune communication entre le patient et... Ça dépersonnalise un petit peu la relation qu'il peut y avoir entre le personnel soignant et non soignant et le patient qui est dans un lit. Une fille qui fait le ménage, qui est là tous les jours, qui fait partie de la maison, dit un petit mot gentil, demande des nouvelles. Ce qu'on appelle savoir... les ASH. Oui, tout à fait. Mais c'est aussi dans la culture de l'hôpital de créer une relation de, je dirais, de gentillesse, hein, d'un bout à l'autre de la chaîne. Et c'est important pour le patient. C'est très important pour le patient. Il y a quand même une osmose entre les personnels soignants. Oui, tout à fait. C'est une famille. Une ASH donner un coup de main. C'est une famille. À une soignante, etc. Ou une infirmière à une ASH, etc. C'est une famille. L'hôpital, c'est une famille. Et là, on est en train de diviser un petit peu ces familles pour des raisons économiques. Je ne pense pas que ce soit très, très sympathique. Voilà. Et puis, en ce qui concerne la nourriture. On peut craindre quand même beaucoup de transports entre Épinal, parce que bien sûr, là encore, la cuisine centrale sera Épinal. Oui, sera cheminée par la route. C'est franchement écrit, ça, c'est prévu. C'est incroyable. Michel, pardon, j'ai pas suivi. C'est-à-dire que tout ce qui est cuisine serait acheminé d'Épinal vers Remiremont demain. Il y aura une cuisine centrale sur Épinal. Pourtant, on mange bien à l'hôpital de Remiremont. Ah oui ? Oui, je pense. Ma maman m'a fait goûter de ses repas, c'est bon. Oui, puis je pense quand même que une cuisine locale, c'est au plus proche des patients, c'est au plus proche quand même de leurs désirs, etc. Est-ce que là, si c'est pris... Puis alors, bien sûr, ça met encore des véhicules davantage sur la route. Voilà. Il y a d'ailleurs un intervenant hier soir qui disait, mais on ne comprend pas quand même, on a eu la COP21, etc., etc. On a parlé d'environnement, puis aujourd'hui, on met de plus en plus de gens sur la route. On externalise, on centralise, etc. Et une volonté politique de mettre de plus en plus de véhicules sur la route. Tout à fait. C'est quand même un paradoxe. Il resterait à Remiremont un service d'urgence, mais de nuit, de week-end, la plupart des patients qui nécessiteraient une hospitalisation seraient transférés sur Épinal. Donc ça fait énormément... Oui, parce qu'on n'a pas parlé des urgences. Ça fait énormément de transferts. C'est énorme, le défilé qu'il peut y avoir les week-ends, les accidentés de sport d'hiver, de la route. Il y a une grosse activité, et s'il n'y a pas de chirurgien, pas de bloc ouvert, parce qu'on ferme le bloc le week-end, tous ces patients devraient être transférés sur Épinal. Donc des kilomètres, des milliers de kilomètres, des centaines de milliers de kilomètres. Et il est prévu aussi de faire des équipes médicale commune entre les deux hôpitaux, ce qui veut dire que un chirurgien ou un médecin irait travailler un jour à Épinal, un jour à Remiremont. Donc c'est pareil, c'est énormément de voitures, de déplacements, à moins qu'ils prévoient... Puis il y a des dépaysements, on a ces marques, on est quand même plus efficace. Voilà. Et puis c'est toujours embêtant de travailler sur un site et puis de laisser des patients sur l'autre site, parce que pour le suivi, c'est pas toujours très bien. On aime bien assurer la, je dirais le service, vulgairement la continuité ou le service après-vente, quand on a fait un acte médical, de savoir ce que devient le patient. Et là, si on vous dit, ben, vous allez travailler sur l'autre site à 30 km de là, c'est, on ne part pas l'esprit tranquille. Et on a plein d'inhumanité, pourrait-on dire. Totalement, oui. Totalement. C'est une... On peut se poser la question du genre de formation qu'ont pu recevoir les gens qui rédigent ce genre de rapport. Oui, mais ce sont des comptables seulement. Financiers uniquement. Oui, uniquement des administratifs. Et ces administratifs, de plus en plus, viennent d'écoles, l'école de santé de Rennes, mais il n'y a aucune, y a aucun médecin dans ces... dans ces écoles-là, les élèves, on perd la dimension humaine. Et c'est un management extrêmement dur. Hein. Et à un niveau supérieur, le management est fait par au niveau des ARS et des cabinets ministériels, par des énarques. Ah oui. Et oui, c'est des écoles d'énarques, c'est en fait. Oui, et ces gens-là ont pris le pouvoir, totalement. Hein, c'est eux qui décident sur des... Ils n'ont pas de compétences médicales, mais ça, on ne peut pas leur reprocher. Mais ils décident tout uniquement sur des critères économiques. Autrefois, c'était plutôt le contraire. C'est les médecins qui décidaient tout. Voilà, oui. Hein, oui, bon, oui. Il y a un équilibre qui s'est fait à un moment donné, oui. Puis avec la dotation globale des hôpitaux. Puis aujourd'hui, c'est uniquement les administratifs. Administratifs. Le médecin, super directeur. Les médecins hospitaliers n'ont absolument aucun pouvoir. Ils sont comme une infirmière. Ils n'ont pas plus de pouvoir décisionnel. Même les chefs de... Oui, même les chefs. Même les chefs de... Oui, oui. Les chefs de service sont là pour appliquer des choix et des décisions prises par les administratifs et pour assumer les conséquences sans avoir participé au choix. C'est extrêmement ingrat. Oui. Je pense que c'est... On comprend pourquoi, à travers ça... Faut pas se battre. Les témoignages de nombreuses personnes qu'on a pu recueillir où l'ARS refuse de reconnaître les erreurs médicales. Oui. Alors que les erreurs, bon, c'est les erreurs, elles sont humaines. Et un patient qui est victime d'une erreur médicale, il a le droit quand même d'être indemnisé. Ce que je pense, moi, c'est que le problème, c'est qu'il y a peut-être de plus en plus d'écoles comme ça, où finalement, c'est pas, ils ne forment pas des médecins. Je ne sais pas, l'école de Rennes, vous savez. Peut-être qu'ils ne forment pas des médecins, mais ils forment des gérants. Oui. Des gérants des personnes qui sont là pour gérer. C'est l'école de direction. Ça devient complètement... c'est de la gestion, en fait, et de la... Oui. La mauvaise gestion, oui. Parce que qu'est-ce qui est un chiffre et un humain, c'est les extrêmes. C'est complètement éloigné l'un de l'autre. On peut se poser la question de la responsabilité de Roselyne Bachelot. Mais voilà, c'est la loi. Hein, quand même, elle est un peu au centre du hôpitaux, patients, santé, territoire, HPST, qui est une loi qui a fait de l'hôpital une entreprise comme une autre. Ouais. Avec un management quelquefois à la hussarde, comme on rencontre dans d'autres entreprises. Mais même les entreprises industrielles, les entreprises industrielles qui sont vraiment compétitives, puisqu'il faut utiliser le terme, elles doivent être compétitives à court, à moyen et à long terme. Il faut penser au long terme. Or, traiter les patients comme on tend à le faire maintenant, c'est négliger le moyen et le long terme. Hein. Il y aurait des rechutes, il y aurait des... même si on place l'affaire sur le terrain strictement financier, c'est pas rationnel ce qu'ils font. Oui, tout à fait. Oui, oui, c'est... C'est dommage que l'hôpital soit géré comme ça, mais bon, C'est politique. C'est politique, voilà. On ne peut pas aller contre ça. On veut faire des économies à l'assurance maladie. Mais est-ce que, à terme, par rapport à l'état de santé de toute la population, est-ce que ça générera des économies? On peut quand même en douter. Oui, on en doute fort. Ça générera de toute façon plus de mortalité. Ça, on en est à peu près sûr. À peu près sûr. Hein, d'ailleurs, il était dit hier soir que dans l'Ouest, dans l'Ouest de la France, cette tendance était un peu battue en brèche aujourd'hui. Oui, on revient un petit peu à plus de mesures. Oui. Mais en France, c'est souvent comme ça. On développe des politiques souvent agressives, calquées sur ce qu'on a vu à l'étranger, alors que d'autres l'ont fait devant nous et commencent déjà à le laisser tomber. On est souvent en retard d'un train. Oui. Dans quel pays, par exemple? La T2A, par exemple. Oui, la T2A, ça vient de l'Angleterre. C'était un système de rémunération des hôpitaux qui était quasiment abandonné par beaucoup de pays. On a l'impression qu'on refait les mêmes erreurs que les Anglais ou les Américains dans des années 70. Quoi, à 40 ans d'intervalle, on reprend le même système. Certainement que nos énarques ont été formés à cette école-là de l'ultralibéralisme. Enfin, pour en revenir à la cuisine, c'est quand même quelque chose d'important, parce que quand bien on sûr. Est à l'hôpital, on n'a pas beaucoup de plaisir. Donc manger, des fois, c'est un plaisir aussi. Voilà, oui, c'est sûr que ça participe au bien-être du malade, de bien manger, de manger des produits locaux qui seraient faits sur place. Pourquoi pas ce serait bien. L'hôpital serait d'ailleurs bien inséré dans sa région, si on utilisait les produits qui étaient fabriqués localement. Et puis c'est certainement plus écologique aussi, il y a moins de transport de... Oui, je crains qu'on s'oriente un petit peu, si on veut continuer de parler des repas, vers une espèce d'industrialisation de la cuisine. J'ai une question à vous poser. Il y a des lobbies derrière tout ça. Et pourtant là j'ai une revue syndicale pour les personnes à retraite, des retraités, et les sondages font état de 77% des Français a souhaité des produits bio dans les maisons de retraite. Et d'ailleurs, certaines communes ou départements ont déjà fait ce choix. 70% tu dis 70% dans les maisons de retraite. Pourquoi ne pas étendre aux hôpitaux, hein, parce qu'il y a quand même, surtout dans les Vosges, la culture bio a connu quand même une forte extension. Oui. Ça doit être extrêmement compliqué, en plus de gérer les régimes. Parce que, par exemple, quelqu'un qui va pour un problème au cœur, il va avoir un régime pour le cœur. Mais s'il y a une personne qui a un problème au cœur, puis qu'elle a un problème au rein, il faut encore adapter. Si elle a encore un problème au cœur, au rein, puis du diabète, il faut encore adapter. Il y a des diététiciennes, normalement, dans les hôpitaux, qui programment des menus adaptés aux différents malades. Ça peut même se faire à la carte, en fonction de la pathologie de chaque personne. Voilà, c'est compliqué. Je pense qu'il restera comme une partie de cuisine, je dirais, plus spécialisée en fonction des maladies... que l'on peut rencontrer, quoi. C'est pas dans les cartons d'ARS. On sera obligé de faire l'évidence. Pour un diabétique, on sera obligé de lui faire son régime doit le suivre pour sa maladie. Il n'est pas question de standardiser, à mon avis. Je n'ose pas l'imaginer. Ça serait quand même élaboré Épinal. Ce serait élaboré Épinal. C'est un petit peu triste parce qu'il y a quand même une cuisine qui est de qualité à l'hôpital de Remiremont. Et quid de tous les services annexes, entretien, tout ça? Qu'est-ce qu'ils deviendront, ces services-là? Je pense qu'ils vont être centralisés aussi. Recentralisés? Oui, très certainement. C'est-à-dire, par exemple, celui qui tond les pelouses, il viendra peut-être d'Épinal. Ou qui va assurer la maintenance électrique. Puis, dans un hôpital, il y a des électriciens, il y a des électroniciens, il y a ce qu'on appelle les services biomédicaux qui entretiennent le matériel médical. J'ai découvert par un témoignage quelque chose de faramineux. C'est-à-dire qu'on voulait réduire de 50% les astreintes électriques dans les hôpitaux du Thiot et de Bussan. Donc ça ne s'est pas fait parce qu'il y a eu une levée de bouclier, mais la personne, elle disait elle-même, c'est complètement fou. Et quand on sait quand même que c'est la même direction aujourd'hui pour tous ces hôpitaux, on peut quand même craindre aussi le pire à ce niveau-là, parce que sur des installations électriques, il faut vraiment des personnes qui soient prêtes à intervenir 24 heures sur 24. C'est véritablement les centres névralgiques des hôpitaux. L'électricité dans un hôpital, c'est important parce que c'est ce qui fait marcher beaucoup de matériel médicaux, des respirateurs, etc. Mais les hôpitaux, normalement, sont équipés d'onduleurs, sont équipés de groupes électrogènes, de choses comme ça, pour, en cas de grosse panne électrique, subvenir, procurer l'électricité qui est nécessaire à la vie, quasiment, de certains patients. Je crois que ça, c'est pas possible de déroger à ça. Ben, je ne l'imagine pas. Des tentatives, des rogis, ici et là, d'après, d'après ce qu'on a pu recueillir comme, comme témoignage. Parce que, évidemment, dans une radio locale, souvent, hein, quand on est animateur, on a des personnes qui nous disent bah, vous ne savez pas ce qui se passe ici. Oui. Et, ou alors, et donc, dans des maisons de retraite ou des hôpitaux pour personnes âgées, sans pathologie, sans. Il y a quand même, des personnes qui sont très dépendantes, et qui sont qui ont certainement des l'obligation d'être j'imagine sous respirateur, je sais pas quel instrument. Sous respirateur, on est quand même dans des hôpitaux avec des services de réanimation. C'est quand même des hôpitaux. Oui, c'est pas le cas pour les EHPAD. Voilà, c'est pas le cas pour les EHPAD. Non, il y a pas de gens sous respirateur dans les EHPAD, je crois pas. Oui, alors on va s'accorder une dernière pause musicale avant de conclure cette émission. Puis surtout, je pense que le docteur Tisserand va appeler à cette manifestation. Voilà. Puisque l'action, l'action. Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? J'ai appris qu'il ne faut mentir jamais, qu'il y a des bons et des mauvais, que je suis libre comme tout le monde, même si le maître parfois me gronde. C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa, c'est ça qu'on m'a dit à l'école. Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? Que les gendarmes sont mes amis et tous les juges très gentils. Que les criminels sont punis pourtant, même si on se trompe de temps en temps. C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa, c'est ça qu'on m'a dit à l'école. Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? Le gouvernement doit être fort, a toujours raison et jamais tort. Nos chefs sont tous très forts en thème et en élit toujours les mêmes. C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa, c'est ça qu'on m'a dit à l'école. Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? J'ai appris que la guerre n'est pas si mal, qu'il y en a des grandes et des spéciales, qu'on se bat souvent pour son pays, et peut-être j'aurai ma chance aussi. C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa, c'est ça qu'on m'a dit à l'école. Voilà, nous reprenons l'antenne avec le docteur Tisserand et nous parlons bien sûr de l'hôpital de Remiremont et puis surtout de la volonté d'ADEMAT qui représente l'ensemble de la population, des élus et de nombreux praticiens du secteur de conserver l'hôpital de Remiremont dans ses prérogatives actuelles. La URCA aussi qui soutient la DEMAT. Ah oui, bien sûr, URCA. L'ensemble des commerçants. Les commerçants et artisans du secteur aussi. Oui, je crois qu'on a eu un très bon accueil, que les gens de la DEMAT ont eu très bon accueil parmi tous. Parmi les commerçants. Parce qu'ils savent bien aussi que, économiquement parlant, c'est 1000 emplois l'hôpital de Remiremont. C'est 1000 emplois, c'est-à-dire que si. 1000 personnes, que si l'hôpital est réduit à sa portion congrue, Remiremont, il y a 800 équivalents temps plein et 1000 personnes qui travaillent. Oui, ce serait un plan social considérable. Ce serait un plan social considérable, sûr, une perte énorme pour la commune de Remiremont et puis les vallées, bien tout à fait. Pour la vie complètement de la ville et des vallées autour. Hein, ce serait. Alors, comment va se passer cette manifestation? Alors, c'est un plan. Ce plan hospitalier là est un plan machiavélique et je crois qu'on est. Le directeur s'apprête à faire des annonces, de décisions graves et qu'il ferait ça le 20 juillet. Donc l'heure est grave, l'urgence est là, il faut absolument qu'on se mobilise, qu'on bouge et qu'on ne peut pas laisser faire ça. Donc on va Il va y avoir à partir de l'ensemble des villes et villages autour des vallées qui entourent Miremont, des cortèges de personnes qui vont venir rejoindre Miremont, rejoindre le palais des congrès au-dessus de l'hôpital, avec des pancartes de chaque ville. Mmh. Et nous nous regrouperons là. Mais je crois que c'est vraiment une urgence et c'est maintenant ou jamais. Je crois que cet hôpital, c'est un bien commun, il nous appartient à tous. Nous en aurons tous besoin, nous avons déjà eu besoin quelquefois, mais nous en aurons certainement encore tous besoin et il faut qu'il soit encore là, opérationnel et fonctionnel, le moment venu. Et ces décisions sont tellement graves qu'on ne peut pas laisser faire ça, en douce en plus, donc il faut le crier, il faut le dénoncer, il faut en parler autour de vous et venir nous rejoindre au Palais des Congrès de Remiremont le 12. Le 12 à 18h. En sachant quand même, parce qu'on m'a soulevé, on a soulevé le problème, des personnes nous ont dit c'est 18h, je sors du travail tard. Alors j'aurais dit si vous stationnez quand même, même si c'est assez loin du côté peut-être de la filature, du carrefour de la filature, ou même un peu plus loin, parce que là, les rues vont être bloquées. Oui, oui, oui. Et donc, il sera très difficile de stationner, il sera très difficile pour les retardataires d'accéder au chemin. Prévoyez un petit peu d'avance. Il faut arriver vraiment à l'avance. Mais quelle que soit l'heure, venez soutenir votre hôpital. Je crois que c'est... Il y a possibilité de rejoindre la manifestation qui devra emprunter les rues. Dans la grande rue, enfin la rue Charles de Gaulle. Oui, la rue Charles de Gaulle. Puis nous rejoindrons l'hôpital. Il y a moyen de rejoindre la manifestation. En cours de route. Je pense. Mais même si, bon, que des mauvais esprits diront, au départ, il y avait que tant de personnes. La réalité, c'est que, bien sûr, nombre de personnes, à cause des embouteillages, à cause de leur activité, en particulier salariés, ne pourront rejoindre la manifestation qu'en cours de chemin, on pourrait dire. Et puis, il y a 2 ans, il était question de fermer la maternité, et la maternité a sauvé sa peau, grâce à la mobilisation de tout le monde. Bien sûr. À l'ADEMAT, nous sommes 1600 membres, et nous avons une manifestation avec un soutien énorme de la population et je crois que on ne peut que remercier les gens qui se sont dévoués, qui sont venus, parce que grâce à eux nous avons sauvé cette maternité. Mais maintenant je crois que l'Agence régionale de la santé essaye de démanteler le reste de l'hôpital. Je crois que cet hôpital, il faut le sauver, on en a besoin. Et je crois que parce que s'il n'y a plus d'hôpital, il n'y a plus non plus de maternité. On est à la croisée des chemins et je crois que les décisions vont se prendre et la période est très bien choisie par l'Agence régionale de santé, c'est en pleine vacances quand les gens font les valises, se préparent à penser à autre chose, et les mauvaises nouvelles tombent toujours le 31 juillet, c'est bien connu, donc il faut venir, il faut aider votre hôpital. D'accord. Pas de problème. Vous aurez l'hôpital que... Pas de problème. Que vous défendrez. Michel, merci. Merci, docteur Tisserand. Voilà, l'appel est lancé. Nous relayons par notre radio locale. Merci au docteur Tisserand d'être venu expliquer tout ça, parce qu'il y a beaucoup d'explications à faire vis-à-vis du public, ce que c'est qu'un hôpital, ce qu'on risque de perdre. Voilà. Merci aux auditeurs et merci, Michel, de m'avoir donné la parole. Merci.